Deutéronome chapitre 5. Moïse donc appela tout Israël, et leur dit, écoute, Israël, les statuts et les droits que je te prononce aujourd'hui, vous les entendant, afin que vous les appreniez, et que vous les gardiez pour les faire. L'Éternel notre Dieu a traité alliance avec nous en Horeb. Dieu n'a point traité cette alliance avec nos pères, mais avec nous, qui sommes ici aujourd'hui tout vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. Je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous, pour vous rapporter la parole de l'Éternel, parce que vous aviez peur de ce feu, vous ne montâtes point sur la montagne, et le Seigneur dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai tiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ci-bas sur la terre, ni dans les eaux qui sont sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu fort qui est jaloux, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent, celui qui aura pris son nom en vain. Garde le jour du repos pour le sanctifier, ainsi que l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours, et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni ton étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et qu'ils te souviennent que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a retiré à main forte, et à bras étendus, c'est pourquoi l'Éternel ton Dieu, t'a commandé de garder le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours soient prolongés, et afin que tu prospères sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Et tu ne paillarderas point. Et tu ne déroberas point. Et tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne souhaiteras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. L'Éternel prononça ces paroles à toute votre assemblée sur la montagne, du milieu du feu, de la nuée et de l'obscurité, avec une voix forte, et il ne prononça rien davantage, puis il les écrivit dans 2 tables de pierre, qu'il me donna 0 heure et il arriva, qu'aussitôt que vous eûtes entendu cette voix du milieu de l'obscurité, parce que la montagne était toute en feu, vous vous approchâtes de moi, savoir tous les chefs de vos tribus et vos anciens, et vous dites, voici, l'Éternel notre Dieu nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu, aujourd'hui nous avons vu que Dieu a parlé avec l'homme, et que l'homme est demeuré en vie. Et maintenant pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu-là nous consumera, si nous entendons encore une fois, la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Car qui est l'homme, quel qu'il soit, qui ait entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré en vie? Approche-toi, et écoute tout ce que l'Éternel notre Dieu dira, puis tu nous rediras tout ce que l'Éternel notre Dieu t'aura dit, nous l'entendrons, et nous le ferons. Et l'Éternel ouït la voix de vos paroles pendant que vous me parliez, et l'Éternel me dit, j'ai ouï la voix des discours de ce peuple, lesquels ils t'ont tenu, tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont bien dit. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, et pour garder tous mes commandements, afin qu'ils prospérassent, eux et leurs enfants à jamais. Va, dis-leur, retournez-vous-en dans vos tentes. Mais toi, demeure ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les statuts, et les droits que tu leur enseigneras, afin qu'ils les fassent au pays que je leur donne pour le posséder. Vous prendrez donc garde de les faire, comme l'Éternel votre Dieu vous l'a commandé, vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous marcherez dans toute la voie que l'Éternel, votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez, et que vous prospériez, et que vous prolongiez vos jours au pays que vous possédez.